بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الخامس عشر 15 leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نحن في موضوع ماذا أيوة شجرة جوز الهند يعني الكوكوتيه كنا سنواصل من تدريب كم الرابع أخذنا الثالث من الرابع يقول أولا طيب أسألك عن الكلمة أسألك عن الكلمة الجديدة ما معنى غابة مناطق نعم ما هو المفرد مناطق جمع منطقة طول كثر يكثر أشبه يشبه قارة continent ça. Non. امتاز. Différencier. Non, se distinguer, non. Relief. Enveloppe. Couche. Chose qui recouvre quoi. تسرب يتسرب. Pénétrer. Par de l'eau. تخلل يتخلل pénétrer par rapport au hawa صلب قوي لب لب جزيرة جوزة وما معنى اللب الشعر ايوه يعني الشعر On dirait la chair, la pulpe, la... l'essence, ou... la chose principale. Loup, c'est aussi l'intelligence. Inna fi dhalika al-ibratin li uli al-bab. Al-bab, c'est le jambe de loup. En fait, le loup de l'homme, c'est la chose qui est à l'intérieur de lui. Tu vois ? Qui serait défini par son intelligence, peut-être. Aswaq. Ihtiwa, yahtawi. Rassembler. Shama. Bouger. Idaatun. Luminosité. تبقى رستي كيف رستي ما الفرق بين بقية وتبقى تبقى رستي ثابت وباقي رستي ان طن يرست طن ما فهمت تبقى المكان وبقية مازال وقت لا بقية يعني معنى رستي معنى رستي le sens d'origine du reste وتبقى c'est la chose qui se conserve مثلا qui demeure مثلا تبقى tu veux l'utiliser quand comme dans le texte là On va dire comme le fruit. Une fois que tu as tout utilisé, qu'est-ce qui reste? Tu vas utiliser tabaqa. Qu'est-ce qui a été conservé de tout ça? فهمت؟ استخدم يستخدم علف للماشي نعم الياف ما هو المفرد أليف ليف ليف فرش Est-ce que c'était le parterre Asrun. Mais là dans le texte, ils veulent le. En quelque sorte le jus, quoi. Ce qui est pressé. C'est ça qu'ils ont voulu dans le texte. Bien que Asr aussi, c'est le temps ou quoi. Comment tu dis par exemple du jus? Asir. C'est quoi le madda, l'origine? La racine? Aïn, sod, ra. Naam. Comment tu veux dire un mixeur? Mixeur? Marsir. Non? Marsara. Assara. Assara. Ala wasfa aala. طيب ومن هو كير تدريب الرابع املأ الفراغ بما يناسبه من الكلمات التالية donc là tu dois repérer trop avec les mots suivants الشمع الياف حد كبير النخلة العلف القدم تبقى الحبال الجملة الأولى يقول أولا هذه فرا لذيذة الثمار نخلة هذه النخلة لذيذة الثمار نعم اسكي باين كي سي بالمي يعني هذه فرو ديليسيو ودير لي دات ثانيا في فراء 30 سنتيمترا هنا والقدم الذي يظهر والقدم على pied il y a 30 cm يعني un pied ce qu'on appelle un pied une mesure de un pied 30 cm ثالثا فراغ كونس فور لو ترو من غداء الحيوان العلف العلف نعم العلف من غداء الحيوانات العلف في partie de l'alimentation des animaux رابعا الغذاء الجيد يساعد العلاج الى فراغ Je sais pas celui-là. Parce que j'avais plus de désert. Que la bonne alimentation aide au remède le. Ah, le ridao, c'est la bonne alimentation. Un ridao, non. Un jayid. Donc c'est Haddin Kabir. C'est un grand niveau, on dira. Haddin Kabir. Le mot qui manque, c'est Haddin Kabir. De toute façon, toi, dans ce genre d'exercice, marche par les choix par élimination. Tu mets tous les mots que tu connais, d'abord en premier que tu as trouvé, après tu vois ce qui reste, et les phrases qui restent. Et après, bah, la femme, si tu n'as pas compris, tu lui en restes un ou deux, c'est que forcément ils vont là ou là. Illa, il décode, t'as fait le bidaya. Si tu te trompes au début, là, t'as fait le façade, tu vas t'embrouiller. Si t'as pas mis le bon mot à sa bonne place au début, bah, le bon mot il va rester pour une heure, tu vas venir. Ce mot-là, il n'a rien à voir avec la phrase. Tu vois? Tu vas. Il y a compréhension. Moi, je comprends. Comme là, tu vois, par exemple, le fait d'aller à Qadam, c'est même pas venu à l'esprit de la mesure Qadam. Parce que là, t'as pas compris le sens voulu par Qadam. T'as pensé que c'était Qadam le pied normal. Voilà. Donc après, c'est pour ça que j'ai mis dans. Quand tu m'as parlé de Qadam, t'as dit Ilaj, et je voyais que un membre qui correspond au mot, c'est pour ça que j'ai écrit Qadam. Non, c'est Had Kabir. Il y en a au niveau, on va dire Had Kabir, c'est. ثم نستفيد من فراغ بعض الأحجار في التنظيف. من جبال. من حبال بعض الأحجار في التنظيف. ما هو هذه الكلمة؟ سيبا حبال. Alif. Eh ouais, les fibres. Pour faire des balais, genre des choses. On utilise ou on profite, on tire profit des fibres de certains arbres pour le nettoyage. Sadisan. نستخدم فراغ في رتب الأمتعة. Ah, c'est le حبال. نعم. On utilise des cordes pour attacher أمتعة, c'est tout ce qui est un arche. C'est un peu ce qui est, ça peut être cargaison, ça peut être mobilier, ça peut être. سابعا قدم الفلاح ما فرغ من الثمار غداء أو غذاء للحيوان. ما هو البستل العلف؟ Alaf, on l'a déjà utilisé. Ouais. Tu n'as droit qu'à. Non, j'ai pas, j'ai mis un blanc dans. Matabaqa. Tout ce qui reste du fruit, ça sert comme nourriture pour les animaux. Faminan, nuqidu farah, trou. عند انقطاع الكهرباء. من عارف بيسك ايوا انا لمن البوجي لسكو لا الالكتريسيتي سكوب او قد يوقدو سي اليمه. نعم. التدريب الخامس. Cinquième exercice. Akmil mustaqdiman misl ou yushbihu kemma fi namoudaj. C'est-à-dire tu dois utiliser le mot misl qui veut dire comme dans ce sens-là là, ou yushbihu qui veut dire ressembler. On a pris le verbe ashbaha yushbihu qui veut dire ressembler. Al namoudaj yaqul shajarat jawz al hind thumma kalimat nakhla. Allez, deux. تقول شجرة جوز الهند يشبه النخلة في طوله. Que l'arbre Le cocotier ressemble au palmier dans sa longueur. Donc là, tu pouvais dire aussi, Shajarat Jawz al-Hind, Misl al-Nakhli, Fi Touli. Tu peux dire les deux. Yushbihu ou Misl. Ouais. Naam. Ma'ana sawa. Nafs ma'ana. Anta takhtar, ahadahuma. Imma hada ou imma dhaki. Faqal, Jawz al-Hind, Al-Kura. Kura, c'est ballon. Bal. Jouz al-Hind yushbihu al-Kura. Jouz al-Hind. Jouz al-Hind. Attention, l'ifolem, c'est un mudaf. Yushbihu al-Kura, fi al-Dawr. Naam. Sa'ilu Jouz al-Hind. Al-Laban. Sa'ilu Jouz al-Hind, mithlu al-Laban fi al-Lawn. لكن هذا ما أدري لأن اللبن أبيض وحقل جوز الهند شفاف يعني transparent il est pas transparent pur comme de l'eau tu vois mais il est pas blanc comme du lait non plus il est plus proche de la texture de l'eau que le sel du lait. Ah, je crois que c'était quand il disait le lait de coco. Ouais, le lait de coco, non, mais il comme ça, hein. Mais en apparence il est plus proche de l'eau. Comme il a macéré dans le fruit du notre coco, le blanc à l'intérieur, la couleur s'en imprégne, mais à la base il est plutôt transparent, tu vois. C'est ce que je me rappelle. Moi je n'ai jamais vu, juste si, moi je suis martiniquais, donc un de l'eau qu'on a, tu vois. C'est ce que je me rappelle quand on les coupait et tout, c'était de l'eau quoi. La couleur transparente, un peu blanc, blanchâtre vite fait, mais sinon c'était pas blanc comme du lait, non. Ah ben maintenant si c'est des nouvelles noix de coco qu'ils ont fait, je ne les connais pas, tu vois. Des nouveaux modèles, je ne les connais pas, tu vois. Ou alors peut-être que dans d'autres pays sont différents. Alors allez, en tout cas, en Martinique, c'est pas comme ça. Mais je pense pas que ça diffère. Parce que c'est vrai que c'était bon. Tayeb. Elle est hindou, Indonésie. Ouais, c'est les deux là, celui qui suit pas, ce qui ressemble. Facile. Je veux l'Indonésie, fille. Indonésia. Ouais, fille. Enfin, Indonésia, et voilà. Ouais. Hein, fille. Celle-là, tu peux dire dans. Fille Joe. Climat. Ma Céline. Moi, j'ai jamais été ni en Indonésie ni en Inde, tu vois. Puis le climat, parce que le climat est similaire. Allah alam. En tout cas, les safid din. Ça ne ressemble pas au point de religion, à Baden. Ah ouais. L'Indonésie, c'est un pays d'islam, et l'Hind, c'est un pays de shirk. Bien qu'il y a beaucoup de musulmans en Inde, c'est vrai. Mais c'est un pays aussi qui a parmi le plus grand nombre de mouchriquins. Les bouddhistes, tout ça, là. Je crois toutes les religions, ouais. Hein? Ouais, mais je veux dire, le fief du bouddhisme, c'est là-bas. C'est en Inde. Parce que je me rappelle, c'est en Inde que ça a commencé. Donc, pour ceux qui adorent les vaches, tout ça, là. C'est là-bas. Et c'est du chef vraiment apparent, tu vois, vraiment, voilà. Et c'est un des pays les plus peuplés au monde aussi, je crois, avec la Chine. Ah ouais. Donc la Chine, c'est le pays où il y a le plus d'habitants, et je crois que l'Inde, c'est un des pays les plus peuplés aussi. Ils sont super nombreux, les Indiens. Et avant, c'était un pays référentiel pour le ilm. Il y a beaucoup de ulama du hadith en Inde. La première fois que l'Inde a été colonisée par l'Angleterre, ils ont tout kharab. Ah ouais, c'est ça. C'est l'Angleterre qui a colonisé l'Inde. Mmh. Et comme d'hab, les Européens, quand ils viennent, ils éclatent tout, quoi. Comme d'habitude. Ou qu'ils aillent, ils viennent, ils éclatent tout. ils apportent un peu de bien et beaucoup de mal. Un peu de bien pour une vidounia, par exemple, tout ce qui est comme tu sais, construction, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Ah, mais tout ce qui est mœurs, ah, ils éclatent tout. Tout ce qui est culture ou quoi, ils éclatent tout, hein, ces gens-là. Donc il y a plus de mal que de bien chez ces gens-là. Et là, check. Asia Ifriqiya. L'Asie et l'Afrique. Yushbihu ou Asia Miss Ifriqiya fi. Tu dis que l'Asie est comme l'Afrique dans, et après tu amènes un peu de comparaison. Non, c'est l'Asie, j'ai pas trouvé. Les deux, je voyais pas que. L'Asie, c'est plus grand que l'Afrique, je suppose. La superficie non, de l'Asie. USB. C'est une ressemblance là. Ouais. Tu trouves un lien de ressemblance entre les deux continents. Bah, c'est les continents les plus. Où l'islam est le plus propagé. Hein. L'Asie et l'Afrique, c'est les continents les... où il y a plus d'islam. Asia. Je vais vous le faire, l'Islam. Aïe, ouais, ma femme. Relève غلاف الجوزة مثل الخشب في القوة نعم نعم que la coquille de la noix est comme du bois au point de vue rigidité. السادس أكمل بما تراه مناسبا. Donc complète ce que tu vois qui est approprié, qui correspond. الشمع يستخدم في الجوزة في اللو بجوزة تقول la bougie est utilisée dans Non. كيف الشمع يستخدم في المنورة؟ إيش هذا المعنى؟ مثلاً الشمع يستخدم في الليل. تيزا بوجي لا نوي. مثلاً وفي الظلمة الأوبسكوريتي. نعم ثانيا ما يتبقى من ثمر الجوز يستخدم في ce qui reste du fruit de la noix de coco est utilisé dans في ألف الحيوان في علف علف الحيوان نعم dans la nourriture pour animaux. تستخدم الياف شجرة جوز الهند في que les fibres de l'arbre du cocotier sont utilisées dans quoi في صناعة الجبال حبال نعم dans la confection de cordes. رابعا يعصر ثمر جوز الهند ويستخرج منه. Donc on presse le notre coco, son fruit, et on en extrait, on en sort quoi? Acide. C'est quoi les choses comme zeyt? Ah ouais. زيوداً مزيتاً des huiles. خامسا يستخدم زيت الجوز في on emploie l'huile du coco dans في الإضاءاتي و في إيه في الإضاءاتي نعم والطهي نعم مثلا ما معنى الطهي كويسون l'huile de cuisson on emploie l'huile de coco pour les luminaires مثلا pour la cuisson. الطريب السابع أجيب عن الأسئلة التالية يقول أذكر بعض الأحجار التي تحمل ثمارها داخل غلاف donc dans des arbres qui contiennent des fruits ayant une coquille ou même une peau quoi. منها الشجرة الموز و منها ماذا؟ Attention, c'est une erreur. C'est une erreur qui s'appelle souvent. Tu mets un mot d'off avec un livre l'aime. شجرة الموز نعم ماشي هو البرتقال البرتقال طيب أصلا أكثر الثمار لا غلاف فدي فروي ils ont quoi غلاف c'est assez épais c'est assez dur c'est assez ouais le fendi fruit généralement d'ailleurs ça c'était un rut qui avait été donné par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi lorsqu'il parle justement de cette expression là que le din se divise en kushur le rappel genre on fait pas attention des pushur on se concentre sur la chair du fruit. Il disait quand bien même le fruit c'est des épluchures comme tu dis là, les épluchures sont là pour le protéger. Parce que demain tu es dans un marché, tu achèterais une banane sans peau. Tu ne vas pas l'acheter. Tu vois? Ou tu vas prendre un fruit comme ça sans son épluchure. Tu ne vas pas le prendre. Ça ne va pas t'intéresser. Donc il dit même, quand bien même il y a des épluchures, elles ont une utilité. Elles sont là pour protéger la chose. Donc on n'a pas le droit de les négliger, tu vois. Et c'est une bonne réponse qu'il a. Je crois que c'était lui qui avait dit ça. Une réponse logique. Tu vois? Il faut dire demain tu ne vas pas acheter un fruit sans peau. Peut-être t'as pas du jus, tu vois. Mais demain, tu vas arriver au marché, tu vas avoir des bananes étalées comme ça sans peau, tu vas pas les prendre. Elles vont être toutes sales, tout le monde va toucher, tu vas pas les prendre. Donc, même les épluchures, quand bien même elles seraient comme tu le dis là, elles ont leur faïda. Elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour protéger la chose. Taïeb. Au secours, bad anouer et samar, allati najidoha bidoun rilef. Donne des fruits que nous trouvons sans peau. Maintenant, il faut voir ce que tu veux dire par peau. Parce que tu as des peaux que tu peux manger direct, et des peaux faut enlever. Ouais, non, c'est ça. Tu vois, je pense qu'il veut dire les peaux qui s'enlèvent. Parce que moi, j'ai marqué Acharul Shajarutu Tufah. Voilà, Tufah. Par exemple, Tufah. Il y a de la peau là, sur la pomme, panier. Mais la peau, non, tu la manges direct. Ouais. Tu laves la peau, tu laves la pomme et tu la manges. Donc, Naam, ou Akazali. Tin. Tin. Non, Zit. Moi, j'ai écrit Tin. Ouais, zeyt. Zeytoun. Zeytoun, ouais. Hatta le tamr, كذلك. Ouais, hatta. Naam. ثالثا ما أطول شجرة شهدتها هنا شهدتها. Quel est le plus grand arbre que tu as vu et où l'as-tu vu? Grand, je crois, l'arlem, c'était chêne. Tu t'as vu? Wa'in? Voilà. Les robes. Ouais, les robes. À la forêt de Fontainebleau. Ouais. C'est pas vrai, ça. Au bout de Vincennes. Non, je suis dans Fontainebleau. Fontainebleau, au bout de Vincennes, des chaînes, au bout de Vincennes. Au bout de Vincennes. Hein? Pas où, mais à Fontainebleau, c'est la visite de Fontainebleau. Ah ouais. Ah, j'ai rappelé une époque, mon frère. Oh, il faut arrêter au tableau. طيب ثم يقول ما أضخم شجرة شاهدتها إن شاهدتها quel est le plus gros fruit que tu aies vu ou enfin arbre que tu aies vu et où l'as-tu vu? Ah, c'est gros, je croyais que c'était petit. Non, ضخم, c'est gros. Ah. Facile, t'as vu un bandai. Ouais, ça. Voilà, c'est pas ça qu'il veut. Le plus gros arbre que tu as vu? Le plus gros, c'est ça, c'est le chêne. Aussi? Je crois qu'il aura une elle vient bien dans quelques semaines. Et le sapin de Noël, tu le mets où? Le sapin de Noël? Non, je crois le chêne. Bah oui, le plus gros le chêne. Je dis ça juste pour présenter le sapin de Noël, mon frère. Petit comme ça, comme un peu très grand sapin. Mais dans les rues, des sapins, mon frère. Et... Pour leur fête de Jahiliya, là. Ma aham muta'am shabiyin fi baladika wa mimman yusna. Quel est, on va dire, le principal plat populaire dans ton pays et qui le confectionne? Qui les cuisine? Ah, qui le confectionne? J'ai pas compris ça. J'ai compris ce qu'il y avait dedans. Quand le mine man, ma quand le mine ma, Yusna. Moi j'ai pas. Toi t'as quoi toi? Moi j'ai mime. Mime man. Ah, mime ma, ça. Afan, y'a pas de nun. Afan. Mime ma, Yusna. Ouais, non, t'as raison. De quoi est-il basé quoi? De quoi est-il basé? Allez, dis-le. Ah, moi j'ai cru quoi, Tarme Charbi, le couscous. Ah, ouais. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ah, ouais. Akmil. Ouais. Mimma Yusna. Yusna, ou ça? Non. Yusna, ou bi khadrawat wa dajaj. C'est quoi le. La... Poché. C'est hummus. Hummus. Là, tu sais quoi la matière principale? Semoul. Samid. Samid, ah ouais, Samid. Samid. Ça, j'aurais dû dire quand je suis parti à Bravo, dire ça. Samid. Est-ce qu'il y a celui qui répond à la question? Qui habiterait vers l'Alsace, tout comme ça? C'est la choucroute. Choucroute, ouais. À cause de quoi? À base de porc. Ah, c'est ça, c'est bon. C'est ça que je dis. Que je dis couscous quand j'ai un truc. Je dis ça vite. Ah, mais, tu poses la question là maintenant aux frères sur Paris. Je parle des frères. C'est quoi leur principale nourriture populaire? Pas chicken tikka. C'est ça que j'allais dire. La chicken tikka. Ou tous les sandwichs qu'il y a dans les sandwichs. Il y a plusieurs noms. Tu vois, bah non, il y a du... Ah, moi je suis un ancien, moi c'était il y a 10 ans. Hein. Maintenant aujourd'hui, on va dire, il y a plein de trucs. C'est ça maintenant la nourriture populaire des frères. De façon générale, les sandwichs. Et on m'a dit, il y a des. Variété de sandwich avec des sauces, des trucs, tu vois, ça... parce que ça dépasse l'entendement. Quand des fois je parle des frères, on me dit, mais t'es un ancien, toi c'est fini, ça n'existe plus, ça. Ou du moins c'est dépassé. Maintenant il y a de nouveaux trucs, il y a ci, il y a ça, il y a ça, tu vois, oh là là. C'est devenu un art. Taïeb, Saadisan, Mimma yustakhraju zayt al-ta'am fi baladik. D'où est extraite l'huile pour la nourriture dans ton pays? Un mois d'eau, c'est extraire. Istakhraju. تستخرج من من زيت من زيوت. فهمت السؤال؟ قلت لهم justement l'huile de quoi elle est faite. Ouais, زيتون. من زيتون. من زيتون. طيب. سابعا ما المواد التي تستخدم في صناعة الفروش؟ Quelles sont les matières par lesquelles on, qui sont utilisées pour fabriquer une فروش؟ منها وغالبا القطن. قطن. Ouais, ça dépend en fait. Fromage coton. Non. Mais qui ça dépend de firoche, par exemple la moquette. Ça fait de laine, non? Ah. Synthétique, tout ça. Ouais, ça dépend. Ouais. Très. Des questions pas très intéressantes. ثانيا ثامنا إذا كان أحد زملائك لم يشاهد شجرة جوز الهند ولم يرى ثمارها فماذا تقول لزميلك عنها donc si un de tes amis plutôt de tes camarades n'a jamais vu de cocotier et n'a jamais vu son fruit que le dirais-tu à son propos de l'arbre هذا مثل النخلة وثمرتها مثل الكرة وسائل وسائل وسائل الثمر مثل الماء تقول ما بين الماء واللبن مثلا entre l'eau et le lait parce qu'elle est un peu blanchâtre. Tu peux dire comme ça, c'est plus proche. Tu dis ma bayna al-ma ou al-laban. نعم طيب تدريب لسه ثامن ثامن على جنب d'autres qui sont la longue dissertation là on laisse tomber on n'a pas le temps d'autres qui a fait amchi t'as compris alhamdulillah التدريب السابع التاسع عفوا neuvième exercice اسأل عما يأتي à te poser des questions à propos de ce qui suit là طول شجرة جوز الهند. وكم يبلغ الطول شجرة جوز الهند؟ عيد. كم يبلغ؟ يبلغ. يبلغ الطول شجرة جوز الهند؟ نعم. ثانيا غلاف جوزة الهند. هل غلاف جوز الهند قوي؟ نعم. زيت جوز الهند. كيف تست؟ كيف تستخدم زيت جوز الهند؟ نعم، أليف جوز الهند. ماذا تصنع بالأليف جوز الهند؟ القارات التي يكثر فيها جوز الهند. من أين قارة التي يكثر فيها جوز الهند؟ ماذا؟ يكثر فيها جوز الهند. أبيت. من أين القارة التي تكثر فيها جوز الهند؟ كيف من أين؟ تقول ما هي؟ ما هي؟ نعم. ما هي القارة التي يكثر فيها شجرة جوز الهند؟ ما هي القارة التي تكثر فيها شجرة جوز الهند؟ عاشر من الرجم كلفه Ouais, je vais laisser comme ça, mais. Vas-y, khalli. N'akhouzil l'ahadi achar mashara. Tous ceux qui sont plus longs comme ça, là, et qui ne sont pas des sujets super intéressants, là, n'akhouz, on saute. Non, ça prend trop de temps pour rien. Tu prépares, t'écrives et tout. Avec la vie qu'on a menée, là, on n'a pas trop de temps pour ce genre d'exercice. Yani, tu peux faire ça avec des choses plus profites, quoi, je veux dire, tu vois. Istakhdim et kelimat taliya fi jumalat mufida. Donc utilisez mon suivant dans les phrases sensées. Lub al-jawza. غلف الموز يحمي اللب الجوزة. ماذا؟ غلف الموز يحمي اللب الجوزة. ترجم الجملة. C'est-à-dire. Ta phrase. L'enveloppe de la banane, elle protège la chair du fruit, sa chair. C'est quoi ma al-jawza? Le jawza, c'est le noyau. Ah ouais, il faut que ça comporte un noyau. Non, le jawza, c'est pas le noyau. Non, l'aube jawza, c'est le fruit, enfin la chair du fruit. Mais maman jawza. Noix. Donc c'est quoi le rapport entre la banane et la noix? Ah, j'avais compris que la noix, jawza tout seul. Là, c'est l'aube jawza. Et l'aube jawza, je crois que c'était la chair du fruit. Ah ouais, mais je vois pas le rapport entre la banane, là. Et je dakhala le mouz, là. La chair du fruit? Non, la banane, t'as dit. Ouais. Le mouz. Ouais. Je vois pas le rapport entre la peau de banane et la noix. C'est quoi le rapport? Ah, je crois que c'était l'ensemble des deux calimets que ça fait le fruit que tu manges. La matière. Là, il écrit l'oub et jouza, la chair de la noix. Ah. Fent? يتسرب هنا في جوز الهند لا يتسرب الماء فيه إلى داخلها يعني لا غلاف جوز الهند يمنع أن يتسرب الماء إلى داخلها. يتخلل. إذا لم تركب الفراش على الباب يتخلل الهواء. عيد. إذا لم تركب الفراش على الباب يتخلل الماء يتخلل الهواء. ترجم جملتك. Si tu ne mets pas une couverture sur ta porte, l'air va rentrer. Non, sous. Non. Sous le bon. Relève le dos de l'hindi. Khajbiyun sous le bon. Khajbiyun sous le bon. Darjim. Que l'enveloppe du Josehin, c'est comme c'est du bois dur. Aswaq. Tout jette fil aswaq. Fawakiha. Awakihun. Mukhtalifatun. Ida'atun. إضاءة الشارع ضعيفة نعم ترجم la lumière dans la rue est faible. يحتوي اللب الجوزة على الزيت. ماذا؟ نعم استغفر الله. ما يستغفر؟ هواي سلوب سكولا سلوب جوزة. أنا يحوي. يحتوي. يحتوي. رفعم. رفعم. Comprendre. Ah oui, il y a le Josel Sahilou, Sahil. Il y a oui. Ah, il y a oui, le Josel Sahil. يحتوي لب الجوزة لا تتكون مثلا جوزة الهند تحتوي لبنا كرفتكو contient un lait مثلا يشبه شجرة النخلة يشبه شجرة الجوز الهند الصحيح فتشبه الشجرة في مؤنث شمع تصنع شمع بزيت الجوز الهند عيد تصنع شمع تصنع شمع يصنع شمع مذكر شمع بزيت جوز الهند نعم عصر عاش في عصره pas compris عاش في عصره في عصره من عاش je sais pas je trouve ça dans la définition du truc ah t'as triché t'as triché Non, je trouvais pas un... Ah, c'est la goutte de... Je trouve que c'est un... C'est l'un... Le chir Foulen. J'ai vécu l'époque du chir Intel. Je me suis dit, Aisha, Omar, regardez nous, fait Asr. Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple. نعم معك سؤال en gros ce qui est mieux contre les phrases de question ce que je trouve dans les exercices c'est le formule bien mettre en place la question là bien mettre en place là ce qui est donné l'énoncé ou bien C'est quoi qui aide Qu'on le relise avant. Qu'on le relise avant. Non, c'est pas tant que des questions, des fois, elle la comprend à l'envers, tu vois. Ah, c'est ça, en fait, l'énoncé qu'on le relise nous ensemble avant. Si un truc qui t'échappe, t'as elle. Où est-ce que t'as tort Adjapt. هذا بس طيب الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com